Bonjour, j'interromps ma petite pause parce que j'ai vu certaines choses là dans des groupes de discussion et puis ça m'a mis en vibration un peu, mais pas beaucoup. Mais ce que je vois est immédiat là, au sens que même là, le parler devient automatique. Il y a, vous savez, j'avais parlé que maintenant que certaines choses sont enregistrées dans le mémoriel, ça allait devenir des outils qui allaient aboutir à de la philosophie, à de la spiritualité, à des choses comme ça. Et là, j'ai lu quelque chose, la personne parle de l'évolution de l'esprit. Mais l'esprit est une force évolutive qui, en passant dans des structures, fait évoluer. L'esprit, en lui-même n'a pas évolué parce qu'existant en dehors de ces structures-là, il est lui-même parfaitement abouti, là. Faire évoluer l'esprit, c'est comme rendre de l'eau de plus en plus mouillée. Il y a quelque chose là que, bon, mais c'est correct, là, si il y en a que ça va être une phase, là, d'avoir certaines illusions, et puis à un moment donné, ça va tomber. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Des outils pour... là oui, on parle d'outils par rapport à l'évolution... la conscience supramentale, de s'outiller par soi-même, et puis à part assimiler de la fréquence, il n'y a pas d'outils. C'est comme si vous me disiez qu'il y a des recettes, pour aboutir à de l'évolution dans le supramental. Il n'y a pas d'autre recette que de côtoyer de la fréquence. Il n'y a pas d'autre recette que de monter en fréquence. C'est pas ce que je voulais faire là, en tant qu'ego. Je voulais pas faire ça du supramental. Ça m'est tombé dessus. Vous ne pouvez pas arriver dans le supramental par hasard, et là vous outillez comme dans une recette, puis montant en fréquence, il y a des illusions là-dedans, énormément. Et puis là, si je pense en 2007, quand il m'arrivait de me réveiller en pleine nuit, j'étais pas, même si j'avais eu des contacts avec du matériel quand j'étais enfant, parce que la mère de mon père faisait jouer des cassettes de Bernard, et puis j'ai assimilé de la fréquence sans le savoir, et puis j'étais trop jeune, ça aboutit là à de la dépression, je ne savais pas d'où ça venait. Puis ça a été très dur pendant longtemps, là, avant que je me débarrasse de la souffrance psychologique. Et vers 2007, je me réveillais en pleine nuit, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas où j'étais. Ça durait quelques secondes, mais il m'enlevait là, mon identité, si vous voulez. C'était extrêmement souffrant. Puis ça m'est tombé dessus. Et le supramental, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. C'est pas comme une école de une école de psychologie là, comme Jung ou de la psychanalyse comme Lacan, où il n'y a pas de recette autre que de côtoyer de la fréquence, assimiler de la fréquence et passer à travers pour monter en fréquence. Et quand je vois ça, là, des outils pour développer la conscience supramentale, il n'y en a pas d'outils. Il y a pas d'outils, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de... Désolé, mais ça, c'est mon opinion subjective à moi après coup, là, par rapport à l'expérience que j'ai eue, mais je pense qu'il y a de l'illusion là-dedans. Il y en a qui en font un métier. Ça ne peut pas être un métier. Ça peut être un à côté, ça peut être, s'il y en a que ils sont, c'est correct avec ça, que ce soit payant, c'est correct, mais à mes yeux, ça peut pas être une profession parce que c'est dangereux le contexte par rapport à ces choses-là. Et puis, c'est un phénomène purement individuel. Purement individuel, et c'est après coup là qu'il peut y avoir. Mais quand même, là, je trouve ça spécial, l'évolution de l'esprit. L'esprit existe en lui-même, là, déjà. Et puis, il est abouti. L'esprit, c'est comme, c'est difficile à décrire, mais c'est comme un feu qui organise en passant à travers des structures. Il est parfaitement abouti, déjà. C'est les structures qui évoluent. Il y a là, quelque chose des illusions que je vois très clairement. Et puis c'est comme la facilité là, à canaliser. C'est au niveau des formes, je vois des pièges au niveau des formes. Et puis, je peux pas faire autrement là, que de vous mettre en garde contre tout ce qui est formel par rapport à tout ce qui est tendance à prendre une forme doctrinale. Le supramental, ça ne se pense pas. Ça se parle, mais ça ne se pense pas. Et dès qu'on réfléchit, là, on aboutit à des choses comme ça, l'évolution de l'esprit. Ou comme si de l'eau pouvait devenir de plus en plus mouillée. Vous pouvez devenir de plus en plus mouillée, mais l'eau en elle-même n'existe pas elle-même, elle est déjà de l'eau. Et c'est pareil, là. Pour avoir des outils pour développer la conscience supramentale, à part assimiler de la fréquence, il n'y a pas de, c'est pas une recette, ça. C'est la nature expérimentale de votre vécu qui va vous y forcer. Il n'y a pas moyen d'accélérer ça. On ne peut rien faire pour accélérer ça. C'est une illusion. Donc, je vous m'en garde là, contre certaines illusions. Et puis, je ne vois pas quoi dire de plus. Donc, puis je suis pas non plus quelqu'un de compétitif et je ne suis pas quelqu'un de tout ce qui est rapport là à. Donc, d'un autre côté, je regarde ça, je me dis c'est correct. C'est correct. Il y a des gens qui vont prendre ça un bout de temps, puis ça va faire partie de leur expérience. Et puis, si c'est, si on peut dire, dans leur plan de vie, quand l'illusion va être intégrée, ils vont lâcher ça. Et puis c'est correct. Moi, à mes yeux, tout est tout le temps correct. De toute façon, c'est ceux-là qui parlent avec. Ils vont me bombarder peut-être. Quand vous demandez ceux qui sont en contact avec le plan mental, si vous leur demandez telle chose, est-ce que c'est correct, telle chose, est-ce que c'est correct, ils vont tout le temps avec eux autres, tout est tout le temps correct. Tout est tout le temps correct. Et une fois qu'on a assimilé certaines choses, on se rend compte que oui. C'est pour ça que je n'ai plus aucune peur, je n'ai plus aucune crainte, je n'ai plus d'inquiétude. Et même certaines choses vont me mettre en fréquence, mais ça ne me dérange pas. Du tout, si il fallait que je pense à ça, là, je finirais par être en colère contre des particuliers. Et ce n'est pas logique au niveau de la conscience de s'opposer à une autre conscience. Donc, s'il y en a qui pensent que l'eau peut devenir de plus en plus mouillée, c'est correct. S'il y en a qui pensent qu'il y a des recettes pour monter en fréquence, c'est correct. Mais possiblement que vous allez vous rendre compte au cours de votre parcours que c'est toutes des illusions. Donc là, je vais retourner à ce que je faisais, là, mais c'est un petit clin d'œil comme ça. Bonne journée.